descend dans le comté de l'Oise, le comté du marquis de Doise. Vitant Bouvier qui devient chevalier du nom de José de Beauvais. Le pays était aux mains des Anglois qui faisaient régner la loi. José s'insurgea contre le mal, les forces du Lord MacDonald. Quand le roi accepta la reddition, le Bouvier poursuivit son action. Mais il n'était qu'un pauvre paysan, il fut arrêté sur le champ. Dans sa géole, il subit le supplice, empalé sur un épi de maïs. Mais comme à l'époque, il n'y avait pas la télé, personne le José n'a pleuré. Personne le José n'a pleuré. Personne le José n'a pleuré.